Dernier bloc de l'émission, c'est celui de la musique de l'Ouest canadien. Et on va commencer ça avec Rihanna. La charmante, belle et talentueuse Rihanna. Que dire d'elle? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, elle est en train de terminer son album francophone qui devrait sortir sous peu. Je pense qu'en début d'avril, on devrait avoir un premier extrait, premier vidéoclip. Aussi, que dire d'elle, c'est que vous pouvez aller vous faire un tour sur ma page de Facebook et voir un clip, une petite photo qui nous démontre que au mois d'avril, elle est en Allemagne, très occupée, plusieurs spectacles, plusieurs dates de spectacles en Allemagne pour elle et en Europe. Donc, ça va très bien pour Rihanna. On va se rappeler un beau souvenir, Delphine et Marie-Lou. Rihanna, qui est une auteure-compositrice interprète de la région du Manitoba, de Winnipeg. Et elle fait dans la musique rock électronique avec des loops, mais très bien contrôlés, très bien utilisés. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je suis très content pour elle et j'ai hâte de voir et d'entendre le nouvel extrait et d'avoir le nouvel album avec moi pour vous faire entendre sa musique parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc, ça va être Delphine et Marie-Lou dans quelques instants. Par la suite, ça va être Pour te garder d'Annick Granger. Et là encore, une autre fois, sur ma page Facebook, il y a un petit clip qu'elle nous a laissé. Elle fait un nouveau projet avec un musicien. Et ça semble assez intéressant, merci. Donc, est-ce qu'il y a un album qui s'en vient avec ça? C'est à voir. Mais pour l'instant, on va y aller avec Pour te garder, Annick Granger, auteure, compositrice, interprète, native de la région de Saskatoon en Saskatchewan, mais qui demeure maintenant à Montréal. Mais pour l'instant, voici la charmante Rihanna avec Delphine et Marie-Lou. De faire vos preuves naïves, prêtes à tout, les bricoleurs s'attardent tout le long du fleuve, ruées vers l'épreuve. Thank you. ta voix. Delphine et Marilou, dans un siècle serez-vous tas de retailles, cadavre en quincaille. Je prendrai ta plus sombre idée illuminée, inondée de soleil jusqu'à la noyer. Je veux franchir ta porte et la déverrouiller, casser les volets, laisser l'amour entrer. Je veux que mes caresses te blessent de beauté. Je veux te faire du mal pour te consoler. Je veux transformer mes mots en armée de ces sons, te marteler pour me battre, pour te garder. J'ai les armes d'un poète guerrier. Pour me battre, pour te garder, je dois me livrer. Je veux faire monter le mercure, faire monter la tension. Je veux m'enflammer jusqu'à l'immolation. Jusqu'à l'extinction, oh, que me maîtriser soit ta seule mission. Je veux me mettre à boire, je veux me mettre à fumer, vider tes bouteilles, remplir tes cendriers, lancer l'allumette, regarder brûler, faire sonner l'alarme que tu m'entendes crier, pour me battre, pour te garder. J'ai les armes d'un poète guerrier. Pour me battre, oh, pour te garder, je dois me livrer. Je veux m'éclater d'aimer comme une émeute, voler la vue aux autres qui te ziotent. Je veux t'appeler comme la foule qui s'ameute. Je t'épuisais. Ensemble on se pieute. Prendre ta plus sombre idée, la noyer. Transformer mes mots en onomatopée. Te marteler pour me battre. Voilà, très belle chanson d'Annick Granger, tirée de son album « Aimer comme une émeute ». Et comme je vous disais, si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, vous allez voir un petit clip de Prairie Como. C'est Annick Granger et Benoît Archambault, qui, si je ne me trompe pas, fait partie de la formation Mes Aïeux, qui ont un projet ensemble. Est-ce qu'il y a un projet d'album? Je ne sais pas. Mais la chose est que je sais, c'est que les deux voix se marient merveilleusement. C'est vraiment génial. Très beau petit clip, très belle mélodie, petite chanson comme ça. Reprise d'une chanson de 1957, mais quand même, ça s'écoute très bien. Donc, à suivre, Prairie Como. Je vous disais aussi au cours de l'émission qu'il y a eu une émission spéciale en direct de l'univers de la francophonie canadienne avec les artistes invités Gilda Roy et Emmanuel Bilodeau et d'autres Canadiens qui étaient dans la salle. Et il y a eu plusieurs artistes qui ont participé à ça. Il y a eu des tournages sur différents endroits au pays. Et il y a eu des artistes francophones hors Québec qui ont été invités à venir à Montréal enregistrer cette émission-là. On a pu voir, entre autres, Christelle Plamondon, Étienne Fletcher et Sophie Villeneuve. On va entendre justement Sophie Villeneuve le temps de partir dans quelques instants. Petite anecdote que Sophie a partagée sur son Facebook. Le clavier d'Ingrid Saint-Pierre était plugué dans le lighter, qu'on peut dire, le briquet là, de l'auto, là, pour avoir de l'énergie, pour l'électricité. Donc, c'est assez comique. Il y a Étienne Fletcher de la Saskatchewan à découvrir avec Chérie Chérie. Très intéressant comme pièce. Mais on va commencer ça, si vous voulez bien, avec Christelle Plamondon de l'Alberta et la pièce « J'ai passé une nuit blanche ». La musique était arrêtée, les personnes ont été se coucher. Le plancher avait été vibré, les lumières n'étaient plus allumées. Mais la mélodie n'avait pas arrêté dans ma tête. J'ai passé une nuit blanche, enveloppée dans tes bras. Le soleil s'élevait qu'en baisait au rythme de nos corps et de nos cœurs. Tu dis que tu marcherais à travers la vie juste pour me chercher un café. Autant que j'ai besoin de café le matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. T'es la mélodie qui continue dans ma tête. J'ai passé une nuit blanche, enveloppée dans tes bras. Le soleil se levait quand on baisait au rythme de nos corps et de nos cœurs. Pas de promesses, juste tendresse, je connais ton esprit. Pas de mensonges, la journée longue, tu sais, on vit pour la nuit. Enveloppée dans tes bras. Le soleil s'élevait quand on baisait au rythme de nos corps et de nos cœurs. Pas de promesses, juste tendresse. Je connais ton esprit. Pas de mensonges, la journée longue, tu sais, on vit pour la nuit. Pour la nuit.

dis-moi dans l'oreille qu'il y a du soleil, fait rire le bonheur tout près de nos cœurs. Et la nuit sera courte, l'amour est en route, je l'entends venir, il va m'embellir la nuit. La nuit sera courte, l'amour est en route, je l'entends venir. Pendant quelques heures, se fermer les yeux, terrasser la peur et croire qu'on est deux. Oublier les autres, juste pour un instant, remonter la côte, redevenir enfant. Et la nuit sera courte, l'amour est en route, je l'entends venir, il va t'embellir la nuit sera courte. L'amour est en route, je l'entends venir. Caresser nos peines, donner du temps, ne rien se promettre, tout en disant tout, ne rien se promettre, mais s'aimer beaucoup. Et la nuit sera courte, l'amour est en route, je l'entends venir, pour nous embellir. La nuit sera courte, l'amour est en route, l'entends-tu venir? Oh, oh, oh, oh. La nuit sera courte, l'amour est en route, l'entends-tu venir pour nous embellir? La nuit sera courte, l'amour est en route, l'entends-tu venir? Oh, oh, oh, oh. Je l'entends venir, oh, oh, oh, oh. Je l'entends venir. Nous terminons le bloc de l'Ouest avec une autre auteure, compositrice, interprète de l'Alberta, Mireille Moquin, avec sa chanson « La nuit sera courte ». Et oui, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu. J'essaie chaque semaine de vous faire entendre les nouveautés, les souvenirs et de la très bonne musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CKJM, Chéticamp, WFM 98, Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA, Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria en Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, oui, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser ou rediffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, CDN, au commercial, gmail.com. Le thème qui vient de commencer à peine, ça me donne à peu près 25 secondes pour vous dire une seule chose que je dis souvent à toutes les semaines, mais c'est important. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.